Vous, je parie que vous vous dites que pour 3 euros, on n'a rien dans l'assiette. Eh bien, chez Picard, vous n'avez rien. Rien que du bon. Retrouvez toute l'année 350 produits Picard à moins de 3 euros, comme le sachet de 600 grammes de légumes pour wok ou la boîte de 6 pancakes pour vous faire plaisir. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.